quel que soit ce qui va sortir de là. Nous avons plus de chances de survivre si nous combattons ensemble. Vous avez compris? Oui. Si nous restons ensemble, nous survivrons. Mais promets pas dans l'arène, victime d'un sale sort. De mémoire chez moi, trembler chaque bord. Attends-moi LP, même les skis sont hardcore. C'est l'heure des morts-gore, comme dans le Mordor. Les femmes vont se plier la force. Mon trident me tiner les corps. Chaque famille s'éparpille pour humiler ses morts. Pour kiffer quand j'écorce et pétorche, j'écorche, me dois de rythme et l'effort. T'indiques ma clique, t'invites à la kick, il se tourne. Si mon mic la matraque et chaque les braille, c'est qu'il est dark pour cramer la boîte de Pandore. Pour mater les wacks, j'ai taf et casse. Et ma voix charmée, un taf et m'acclamer. Si dans mon armée t'entends, charge. Je vis vaincu, mis à nu, les intrus honorent les instrus dans la pure ligne des nord. Mais par les autres tirs dessus, faut que je les m'amène à bord. Dans mon flow, les wax noirs, comme s'il y avait un crack et un port. Moi, les dates, qu'on se mette en quatre pour que le son claque. Pour qu'explose mon kick, explose mon clap. Moi, les dates de concert, je kick en live sur mes CPU pro. Tension dans l'air, quand le son est fat. On s'aide de 10 titres, dès que c'est sur date. Regarde des regards obliques, dès les balances. Qu'on s'amasse, vénère, jaloux. Car Alpha, mais c'est trop la violence. Comme LK, je me l'épile, dès que t'en nonchalance. Trouve-moi les dates, car j'aime cette ambiance. Je le vois pas, la scène vient cathédrale et personne danse. On t'apprend qu'une seconde avant de monter. Frère, derrière le rideau, y'a 300 lieux à dompter. Passe la tête juste pour une gorgée. Pour que ma voix chauffe, soit à l'image. Mes lyrics, j'décoche et vive, prêt à décocher. Des flèches lyricales, trouve-moi les dates qu'on exploite. Nos titres, nos mélodies. La scène, c'est l'épreuve du feu. Gladiator à l'époque des jeux. C'est la mort, tu montes pas que t'en veux. Faut qu'il tire ça de coups en deux. Il semble un contentieux. La boîte à griffes à blanc, les dieux. La scène, c'est l'épreuve du feu. Gladiator à l'époque des jeux. C'est la mort, tu montes pas que t'en veux. Faut qu'il tire ça de coups en deux. Il semble un contentieux. La boîte à griffes à blanc, les dieux. Prêt à dompter la foule, c'est mon cœur qui accélère. Je vois tout le monde jumper avec la main en l'air. T'as pris 100 plans dans la bouche, y'a la pression qui monte. Tu veux clasher Alpha Mi, j'espère que t'as pas honte. 4 MC, une instru, laisse-nous faire le spectacle. On a le mort, la date, t'as pas compris, on tacle. Je suis dans l'arène, mon domaine, je veux que ça soit le boucan. Et y'a du monde ou quoi? Trop de gens deviennent pâles, ont une instrumentale, un show monumental. La scène devient vitale, tu captraines et bancales. Prépare ta pierre tombale, le zénith, la cigale. Y'a pas de plan, s'installe, t'encaisse bien la rafale. Y'a pas de match amical, mais international. MJC, festival, on nique tous, c'est normal. On est au-dessus, pas égal, mon arme est bien verbale. Et mon crime est vocal. Rachant mon venin sur du PQ, pas sur du vélin. Comportement félin sur l'instru, à l'heure où ton groupe est sur le déclin. Ma troupe en ligne de front, combinaison d'MC hors pair. Qui veut la guerre, l'aura peut-être pour de bon quand chose se tombe. Pas là pour la jouer funky ou bien faire la morale. Plutôt pour faire du mal en terrain. Donc qui quand je kick, c'est l'homicide au micro. Son beat est basse, grasse, façon comico. Te laisse son chien comme dans une garde à rappelle-moi Hannibal ou Hitman, cannibal comme Don Cho. MC Desperado, le 16 caché sous le poncho. Tueur de faux, mon sport de prédilection. Le sang du soccer sur la stèle du hip-hop. Pour sa résurrection sous pression. Comme à l'époque des jeux, le jour J t'es préparé où tu te fais couper en deux. Car devant toi une sale comble, des sales conditions. Cercon, un sale son d'ici. Il est le fait que la ça scène c'est l'épreuve du feu. Gladiator à l'époque des jeux. C'est la mort, si tu montes pas que t'en veux. Il faut qu'il chine ça te coupe en deux. Il semble en contentieux. La boîte à griffes à blanc les dieux. La scène c'est l'épreuve du feu. Gladiator à l'époque des jeux. C'est la mort, si tu montes pas que t'en veux. Il faut qu'il chine ça te coupe en deux. Il semble en contentieux. La boîte à griffes à blanc les dieux. La scène c'est l'épreuve du feu. Le gladiateur à l'époque des jeux. C'est mort si tu montes pas que t'en veux. C'est mort. Ah ouais. Hey, retourne dans ta cité. C'est la mort, cochard. Putain. Retourne au HLM. Vas-y. Au HLM. Bloc 2. 2B. Allez, retourne. Ah, c'est mort. Ah, oh, putain. C'est allez. La mort. T'es pas dans ta cité, là, mon frère. C'est rien, c'est rien. La scène c'est l'épreuve du feu.